L'agence de presse TASS, l'agence de presse d'Internet Outre-Pont-Loup de Russie, l'agence de presse Shinvel, le réseau chinois Information, le journal indien Statement, l'agence de presse Inde-Asie, la télévision ND de l'Inde et l'UPI des États-Unis ont rapporté les 4 et 5 courants que le maréchal Kim Jong-un a présidé la troisième conférence des éléments les plus actifs du mouvement pour le titre de 7e régiment Ozongho de l'armée populaire de Corée.